Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, heureux de vous retrouver à l'écoute de la radio qui vous plonge chaque dimanche 21h dans l'univers des arts sonores et des musiques merveilleuses parce qu'elles sont très souvent inclassables ou bien inédites. Gaëtan Gosselin au microphone avec vous jusqu'à 22h sur CKRL 89.1 à Québec. Je vous propose ce soir rien de moins qu'une invite au voyage méditatif, à la réflexion que nous convie chaque jour l'état de la planète en ce qui concerne sa diversité écologique, biologique, culturelle et ethnique. Cette méditation sonore nous est proposée par l'artiste Sarah Peebles et son magnifique projet d'écologie sonore intitulé « In the Canopy », que je traduis librement par « Au cœur de la canopée ».« In the Canopy », origine du pays des Maoris, Aotearoa, le pays, dit-on, du grand nuage blanc que nous connaissons généralement sous le nom de Nouvelle-Zélande. C'est donc à la suite d'une invitation de Radio Nouvelle-Zélande que Sarah Peebles va se consacrer, on est en 2003, à la création d'une œuvre radiophonique inspirée des paysages naturels d'Aotearoa. Sur les îles du Nord et du Sud notamment, Peebles va enregistrer des sons d'oiseaux, d'insectes, d'amphibiens et de rivières. Ses captations sur le terrain vont l'amener à réfléchir sur ces univers qui sont au-delà de notre perception immédiate. J'ouvre les guillemets, Sarah Peebles raconte ceci. « L'essence de mes expériences d'écoute, de cette abondance de vie qui m'entoure, souvent hors de la vue, se résumerait à une phrase qui a surgi d'une conversation lors d'une visite sur l'île néo-zélandaise de Kapiti, ce qui est juste au-delà de notre perception. » Je referme les guillemets. Manière de dire, selon Sarah, est qu'il n'est pas facile de traduire en mots l'expérience de longues périodes de vie en nature. C'est non-verbal, dit-elle. La canopée des arbres, les buissons, le sol, l'air et les eaux contiennent de la vie que je pouvais souvent entendre, mais que je ne pouvais pas voir, dit-elle. Des bourdonnements d'insectes flottant dans la brise, des oiseaux qui bavardaient au loin dans les cimes des arbres, des chants exubérants d'oiseaux jaillissant de buissons voisins. C'est ainsi que Sarah Peebles a commencé à réfléchir tous ces phénomènes naturels situés juste au-delà de la perception. C'est un peu ce qu'il faut retenir de son propos. Il en résulte une œuvre sonore en trois volets dont je vous propose ce soir l'écoute intégrale. On va d'abord écouter le premier volet de In the Canopy, la partie 1 de l'ensemble qui a été lancée en 2014 au sein de l'album intitulé Delicate Path, Music for Show. Dans cette première partie, Sarah Peebles souligne le métissage des mondes naturels et culturels qu'on retrouve, notamment dans la fabrication et le fonctionnement de l'orgue à bouche, le shō, qui est de tradition millénaire. Alors, on écoute donc ce premier segment de In the Canopy de Sarah Peebles et ensuite, on poursuivra cet enchaînement. quelle richesse sonore. C'était le premier segment sonore de ce projet intitulé In the Canopy de Sarah Peebles, un projet fabuleux qui cherche à témoigner d'une expérience incarnée à la fois sur les plans artistiques, culturels et même spirituels. En tant qu'invitée à Aotearoa, raconte Sarah, j'ai confronté ces expériences de captation sonore à ma sensibilité nord-américaine en savourant des paysages totalement inconnus pour moi et dont les rythmes étaient hors de ma portée. Les relations uniques entre les plantes indigènes d'Aotearoa, leurs pollinisateurs historiques, bon, les oiseaux et les abeilles indigènes, ainsi que les gens, constituent ce paysage. Le chant des oiseaux riches et diversifiés, les plantes bruissant dans la brise, les battements d'ailes subtiles des abeilles fouisseuses planant sur les pentes sablonneuses, le bruit des cueilleurs et des tisserands du lin. Voilà ce que nous raconte Sarah Peebles. Alors voilà, on va maintenant écouter le deuxième volet du projet In the Canopy, une œuvre sonore de la Torontoise Sarah Peebles. Thank you. Alors, c'est ainsi que se termine le second volet, le second segment de ce projet fabuleux intitulé In the Canopy de Sarah Peebles. Alors, ça complète également la première demi de l'émission. Restez des nôtres, on poursuit ça après un bref battement promo. CKRL 89.1. Some folks really never change, and some folks change a whole lot. Le Mois Multi, Festival international d'art multidisciplinaire et électronique, est de retour pour une 24e édition. Performances, spectacles, expositions, ateliers et activités vous attendent du 1er au 26 février. Le Mois Multi, c'est un mois complet consacré à l'art au cœur de la ville de Québec. Consultez la programmation au moismulti.org. Vous écoutez La Croche-Oreille. C'est La Croche-Oreille, jusqu'à 22h, l'émission à la croisée des arts sonores et des musiques inattendues sur CKRL 89.1 sur les ondes à Québec et ckrl.qc.ca sur la toile pour ceux qui sont un peu à distance. Je vous présente ce soir les trois volets du projet intitulé « In the Canopy », au cœur de la canopée de l'artiste et musicienne Sarah Peebles, dont je vous livre maintenant des repères sur sa démarche artistique et on peut dire aussi sur sa démarche écologique. Sarah est née en 64 aux États-Unis et vit à Toronto depuis plusieurs années maintenant. C'est une artiste multidisciplinaire, musicienne, compositrice et improvisatrice. On dit qu'une grande partie de son travail sonore repose sur des sons trouvés ou captés, puis manipulés numériquement, amplifiés par toutes sortes de stratégies et accompagnés, si je comprends bien, de sonorités produites par l'orgue à bouche japonais appelé Shō. Sarah Peebles a notamment collaboré avec des artistes et des spécialistes du monde des abeilles sur une série de projets traitant de l'écologie de la pollinisation et de la biodiversité, projet intitulé « Resonating Bodies », qu'on peut consulter sur son site internet sarahpeebles.net. Allez voir ça, c'est vraiment captivant, très beau projet autour de cet insecte magnifique, l'abeille. Les projets sonores et musicaux de Sarah Peebles sont donc très variés, incluant de la musique pour la danse, des créations radiophoniques, des installations sonores et des performances. Sarah a diffusé son travail en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Elle a aussi collaboré avec de nombreux musiciens, des artistes visuels et j'en passe. On va donc maintenant écouter le troisième, dernier volet du projet In the Canopy. C'est un volet qui a été lancé en 2020 sur un album collectif intitulé Delicacies in the Garden of Plenty. Comme le rappelle Sarah Peebles, cette phrase, et là j'ouvre les guillemets, « ce qui est juste au-delà de notre perception », je referme les guillemets, ben, cette phrase, elle fait référence aux corbeilles de connaissances de la mythologie maori qui sont les premiers peuples de la Nouvelle-Zélande. Il s'agit dans ce cas-ci de la corbeille des connaissances ancestrales à propos de la magie et du mal, comprenant la guerre, l'agriculture, le travail des arbres ou du bois, le travail de la pierre et les travaux de la terre. S'y révèle ainsi l'expérience que nous avons de nos liens les uns avec les autres et avec le passé, la connaissance de nos réalités spirituelles, celles qui seraient au-delà de l'espace, du temps et du monde. Je referme les guillemets, c'est un résumé de cette philosophie, de cette mythologie qui anime la pensée maori. C'est ce qu'on retient des réflexions de Sarah Peebles, qu'à travers la mythologie maori, il nous importe que toute connaissance soit attentive aux expériences passées, aux réalités spirituelles, à l'importance de l'espace et du temps, aux coutumes ainsi qu'aux rituels et cérémonies. Je ferme les guillemets, c'est Sarah qui nous raconte. Alors, on écoute le dernier segment de ce projet intitulé « In the Canopy ». Thank you. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de l'artiste Sarah Peebles et de son magnifique projet intitulé « De Canopie, voyage au pays des Maoris, Aotearoa, mieux connu sous le nom Nouvelle-Zélande ». Alors j'en profite pour remercier Sarah de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres que vous retrouverez sur la plateforme montréalaise No Type, ainsi que sur étiquette Second Harvest. Je vous rappelle que vous retrouverez la référence des pièces entendues ce soir, ainsi que le lien pour le site de Sarah Peebles sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Et pour clore la soirée, eh bien, je vous propose qu'on écoute une pièce de Sarah Peebles, cette fois à l'orgue à bouche, le shō. Cet instrument japonais s'est tiré de l'album Music for Incandescent Events, Audio for Skyscape Around Sunset and Sunrise. Alors voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Tout est dit, au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue.